Je vais introduire ce moment consacré à l'archivage électronique. Vous avez pu voir que ce moment sera nourri de l'intervention de 1, 2, 3, 4 personnes. Et je vais essayer de les introduire. Tout d'abord, l'archivage électronique, comme l'a dit Françoise Bannaberger, constituait le fil rouge, constitue depuis déjà quelque temps, il va constituer encore plus le fil rouge de notre action. C'est, je pense, au CIAF, 85% du contenu de nos conversations, de nos échanges, de nos dossiers. Nous y travaillons de façon très transversale. Vous avez compris qu'il y a, nous accordons beaucoup d'intérêt, d'attention à la question de l'accès, car collecter des données, les conserver, est un enjeu important. Mais c'est dommage de le mettre dans des coffres-forts électroniques que personne ne pourrait plus ouvrir ou seulement quelques privilégiés. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Cependant, cette table ronde ne traitera pas de la question de l'accès. On l'a traité d'un point de vue juridique à l'instant. Il sera traité de façon beaucoup plus circonstanciée cet après-midi dans une table ronde qui sera dédiée à la question. Aujourd'hui, je voudrais, Aurélien Conro présentera d'une façon un peu générale la politique archivistique menée par le CIAF. Mais je voudrais insister sur le fait que la politique archivistique, c'est d'abord une politique interministérielle, d'où la présence ici, à côté de nous, du responsable du programme VITAM, donc, qui appartient à la DINSIC. Mais vous savez sans doute, et il le rappellera, combien le programme VITAM est un programme interministériel, puisqu'il allie à la fois le ministère de la Culture, mais également le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées, j'allais encore dire de la Défense, et à chaque fois je signale mon âge ainsi. Ces trois ministères autour d'un même projet, le projet d'un outil, destiné à doter chacun de ces entités et ses services d'un outil d'archivage. On aura, mais interministériel certes, et puis en ce qui concerne la culture, je crois qu'il ne faut pas oublier que le CIAF ne serait pas grand-chose sans tout son réseau, sans vous certes, mais sans les archives nationales qui sont à cette table aujourd'hui et qui sont, j'allais dire, le destinataire naturel d'une grande partie des archives définitives que vous produisez, que vous collectez, enfin que vos services producteurs produisent, que vous collectez, et dans la majeure partie d'entre vous, vous les transférez, vous devriez les transférer aux archives nationales. Je dis devrait, non pas pour pointer un manque, mais tout simplement pour revenir sur cette difficulté que soulignait Françoise Bannaberger, à savoir la difficulté que nous avons tous collectivement à passer à l'échelle, ce qui sera bien sûr l'enjeu des prochaines années. Je voudrais juste mettre l'accent sur quelques traits saillants de cette politique en matière d'archivage électronique telle que nous avons pu la mener ensemble, tous ces partenaires dont je viens d'évoquer. Il me semble qu'il y a 4 axes. Alors j'espère que je ne me suis pas embrouillée en comptant mes axes. On va recompter ensemble après au fur et à mesure que je les énonce. Mais tout d'abord... un axe normes et référentiels qui me semble très important, sur lequel je pense Aurélien aura peut-être quelque chose à dire parce que l'actualité a un petit peu bougé. Il me semble très important que le CIAF s'investisse à l'échelle nationale mais également à l'échelle internationale en matière de normes et de normalisation. Car nous avons besoin de référentiels partagés. Nous avons besoin aussi de sécurité et de confiance. Hein. C'est bien le maître mot depuis la fin des années 90, le début des années 2000, créer la confiance numérique. Et les normes et les référentiels sont évidemment un outil majeur pour ce faire. D'autant plus que je pense que nous sommes en train de basculer, en tout cas en ce qui nous concerne, d'une logique, dans une logique de conformité. Et pour que les systèmes et les processus soient conformes, il faut décider à quoi ils sont conformes, donc conformes à des normes et des référentiels. Mais là-dessus, je laisserai Aurélien approfondir un petit peu et vous parler de notre actualité à ce sujet. Donc ça, c'était un premier axe. Le deuxième axe de cette politique, c'est le soutien des projets d'outils. Donc VITAM a été au premier chef, enfin est toujours le premier, le plus important de ce projet. Adamant est une déclinaison de Vitam. Et puis, un petit frère, peut-être, que nous a annoncé tout à l'heure Françoise Banaberger, un petit frère de Vitam qui serait VAS. Alors, VAS, ça veut dire Vitam as a Service. Et je crois que Jean-Séverin, que tu vas nous en dire plus sur cette façon très originale, je pense, en tout cas dans le paysage administratif français, d'offrir un service, l'archivage tel un service au ministère, voire derrière aux opérateurs. Donc ça, c'était le deuxième axe, les outils. Un troisième axe qui est, je dirais, un axe prospectif. Recherche et développement est peut-être un peu exagéré. Je regarde Aurélien, il vous dira ce qu'il en pense. Mais en tout cas, être en tant que ministère et avec nos partenaires en veille et avoir un regard prospectif sur les technologies, sur ce qui se passe d'un point de vue, enfin dans le monde numérique. D'un point de vue technologique, nous sommes très importants. Là aussi, nous avons essayé l'année passée d'explorer, en tout cas, ce qui concernait la pérennité des formats. Je ne sais pas si tu comptais en dire quelques mots. Cet après-midi, plutôt. Plutôt cet après-midi. Ah ben oui, c'est la table ronde cet après-midi qui sera consacrée vous permettra de mieux comprendre ce que nous avons essayé de faire et de modéliser à travers une étude qui a été menée l'année dernière, ou il y a 18 mois, je ne me souviens plus exactement, mais qui est encore toute fraîche et toute récente, et dont nous avons publié les résultats à l'été, il me semble. C'était donc le troisième axe, c'était la recherche. Et puis un axe que je ne veux pas oublier, c'est l'accompagnement des règles, l'accompagnement dans l'élaboration des règles de cycle de vie des documents numériques. C'est une part importante de notre travail. Nous travaillons au sein du CIAF en transversalité sur les questions numériques avec un BANR, je vise Aurélien qui est le chef de ce bureau, un BANR, le bureau de l'archivage numérique des normes et des référentiels, qui travaille beaucoup avec le bureau des missions et de la coordination interministérielle que vous connaissez à travers ce qu'il fait notamment pour cette journée des opérateurs, avec sa tête Françoise Janin, que je cherche désespérément du regard. Voilà, vous la connaissez tous. Et puis un troisième bureau, le bureau de la collecte et du contrôle, avec Mélanie Rebourg, qui est arrivée tout récemment. Je pense que tu peux te signaler, Mélanie, que tout le monde te voit, voilà. Mélanie est un Mélanie travaille surtout en direction des territoires, je dirais, enfin des archives en territoire, on va dire, avec Lénaïg Romégou qui est à ses côtés. Elle coordonne le projet ADESOR, donc qui est la façon dont nous soutenons les projets d'archivage en territoire. Elle a affaire à notamment, enfin, vous pouvez avoir affaire à elle, si vous êtes un opérateur avec des implantations territoriales. Je pense notamment aux organismes de sécurité sociale que nous avons rencontrés ces dernières semaines autour de la question de la dématérialisation des pièces justificatives. Cet axe qui est accompagner le cycle de vie, l'élaboration de règles de cycle de vie pour les documents numériques est très important car il participe à la confiance dont je vous parlais tout à l'heure. Nous travaillons en ce moment sur les règles en ce qui concerne les documents produits dans le cadre de la commande publique. Vous savez qu'à ce jour, il existe un texte de référence qui a été produit en direction des collectivités territoriales et auquel nous nous référons tous, enfin, je pense que vous le connaissez bien, auquel nous nous référons tous les uns les autres. Et dans le cadre de la transformation numérique de la commande publique, un grand chantier est mené par Bercy, dont un des axes est l'archivage. Et nous travaillons avec eux à formaliser, sécuriser, compléter les règles qui ont été élaborées en 2009 pour les collectivités territoriales. Les compléter en prenant mieux en compte le côté numérique, hein, puisqu'il y a des données qui ne sont produites finalement que dans le cadre du processus numérique de la commande publique, hein, et puis éclaircir certaines questions que les uns et les autres se posaient. Le dernier axe, et j'ai commencé finalement à l'évoquer en parlant de l'INAIG et du soutien que nous apportions au projet d'archivage dans les territoires, mais c'est justement ce soutien que le TIAF peut apporter à des projets de mise en place de SAE à partir de préoccupations qui peuvent être celles de services d'archives départementales, mais aussi d'autres collectivités territoriales. Je pense notamment à des métropoles. Il y a là beaucoup de questions liées à la mutualisation des efforts des uns et des autres, de leurs ressources, de leurs moyens humains, ressources humaines ou financières. Nous avons aussi un dispositif d'accompagnement, et vous le savez, pour la sphère centrale, administration centrale et opérateur. Nous avons 3 projets qui ont été engagés au titre de cette année. L'un est l'accompagnement du Conseil d'État dans l'archivage, je cherche Claire Civil du regard, dans l'archivage de l'application télérecours, donc téléprocédure auprès des juridictions administratives. Le second est un projet qui concerne l'agence l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autour, si mes souvenirs sont bons, de l'archivage d'une application liée à la mise sur le marché de produits vétérinaires. Personne ne se... Voilà. Je pense que c'est bien ça. Voilà, merci. Et le troisième projet, c'est un projet autour d'une GEC, la GEC Marche, qui est utilisée à la fois par les services du Premier ministre et par le ministère de la Culture. Et ce qu'on essaye d'étudier là, c'est l'archivage finalement des données et des courriers de cabinet qui nous importent beaucoup d'un point de vue collecte. Voilà, après avoir rappelé ces axes, à savoir donc, et dans le désordre, les outils, mettre à la disposition de la communauté des outils, dont les produits phares sont donc, je le rappelle, Vitam, Adamant, mais on va aussi parler d'Octave. Donc outils, soutenir des projets. Ça, c'est les projets diamants. Participer à l'élaboration de règles du cycle de vie. Prospective également, être attentif à ce qui se passe dans le domaine du numérique. Je vais maintenant laisser aux interlocuteurs réunis autour de cette table ronde le soin de développer certains de ces aspects en laissant la parole d'abord à Aurélien.